De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 9. 1 et 2. De la raison. Nous voici parvenus à la partie la plus élevée de notre travail, au point culminant, pour ainsi dire, de cette psychologie augustinienne dont nous esquissons le tableau. L'homme n'est pas seulement un être qui se nourrit, qui se reproduit comme les végétaux attachés à la terre, il n'est pas seulement un être qui perçoit les objets du dehors et en conserve en lui-même les vives images, comme font les animaux les plus stupides, c'est une créature capable de connaître l'invisible et d'entrevoir, durant sa vie d'un jour, l'éternel et l'immuable. Pendant que par les degrés inférieurs de son être, il plonge dans le monde des animaux et des plantes, par le degré le plus haut il atteint jusqu'à la région des esprits purs, et entre en communication avec Dieu lui-même. Il vit, non seulement de la vie végétative et de la vie sensitive, mais encore de la vie intellectuelle. C'est ce qui ressort de la théorie de la raison telle que, après Platon, après Plotin et d'autres illustres philosophes, saint Augustin l'a conçu et développé. Voir, du libre arbitre livre 1er chapitre 3, de la grandeur de l'âme chapitre 33. La raison, ratio, intellectus, comme l'appelle tour à tour saint Augustin, offre des caractères qui la distinguent plus ou moins profondément de toutes les autres facultés. Confère du libre arbitre, livre 1er chapitre 8. On connaît ce passage des Confessions, où l'auteur raconte par quelle démarche son esprit s'est élevé de la vue des choses corporelles à la conception des choses invisibles, et a découvert cette vérité souveraine, qui, semblable au souverain bien de Platon, n'apparaît qu'à peine à nos regards, et éclaire cependant tout le reste de sa lumière. On y voit quelle hiérarchie le saint docteur établissait entre les diverses puissances de notre nature, et quelle place éminente il accordait parmi elles à la raison. Je m'étais, dit-il, élevé graduellement des corps à la partie de l'âme qui sent par le moyen des organes, de là, à cette force plus intime, à laquelle les sens viennent rendre compte des choses extérieures, et qui se rencontre également dans les animaux, de là, enfin, à cette puissance résonante qui forme des jugements avec les matériaux que lui fournissent les sens. Mais cette puissance, à son tour, se sentant encore sujette au changement, s'était élevée jusqu'à l'intelligence pure, et, s'affranchissant de l'habitude, s'arrachant à la foule des fantômes contradictoires, qui l'envahissaient, elle avait cherché d'où lui venait cette lumière qui l'illuminait lorsqu'elle déclarait tout haut et sans aucune hésitation que l'immuable vaut mieux que le changeant. Elle connaissait donc cet immuable, car si elle ne l'eût pas connu, elle n'eût pu le préférer avec tant de certitude à sa propre mobilité, et parvenir à cet objet que l'on ne contemple qu'un instant et avec des regards tremblants. Confession, livre 7 chapitre 17. Il résulte de ce morceau que la raison diffère, aux yeux de saint Augustin, non seulement des sens extérieurs et du sens intérieur qui forment le plus haut degré de la vie sensitive, mais encore du raisonnement qui appartient déjà à la vie intellectuelle. Ce qui constitue l'homme extérieur, l'homme animal, saint Augustin l'a remarqué avant Bossuet, et Aristote l'avait remarqué avant saint Augustin, ce n'est pas seulement le corps, mais encore l'ensemble des opérations engagées dans le corps, et qui ne peuvent s'accomplir sans son concours, tandis que l'homme intérieur, l'homme raisonnable est tout entier dans les opérations de l'intelligence pure. De la Trinité, livre 12 chapitre 1er. Les sens nous font connaître des choses changeantes, passagères, qui n'ont de stable que leur instabilité, et d'invariable que leur variabilité même, chose si fluide qu'elle s'écoule sans cesse, si éphémère qu'elle traverse le présent sans s'y arrêter, et que leur être fugitif est moins un être réel qu'un perpétuel devenir. La raison nous découvre derrière l'apparence la réalité, derrière le changement la permanence, derrière les fluctuations du temps l'éternité immobile. Les sens n'atteignent que la surface des êtres, et se bornent à saisir les phénomènes, la raison va au fond des choses, et rattache ces phénomènes aux causes qui les ont produits. Elle comprend, elle explique ce que les sens se contentent de sentir et de percevoir. De 83 question numéro 9. Il est vrai que la raison offre des différences moins nombreuses avec le sens intérieur qu'avec les sens extérieurs, puisque ces deux facultés concentrent l'une et l'autre les matériaux que les sens proprement dit leur fournissent. Cependant, il n'y a pas lieu de les confondre, car elles opèrent sur ces matériaux d'une manière fort dissemblable. Le sens intérieur nous avertit des propriétés des corps, de l'impression qu'elles produisent sur nos organes, et des modifications qui s'ensuivent dans l'âme, mais il n'est pas admissible qu'il juge nettement de ces trois choses, et qu'il les distingue les unes des autres. Qui oserait dire que l'animal, qui est étranger à la raison et dont le sens intérieur est la faculté la plus haute, se fasse une idée claire de la distinction à établir entre la couleur et la sensation de couleur, et qu'il juge positivement que nous ne saurions voir avec les oreilles, ni entendre avec les yeux? Il n'y a que la raison à laquelle il soit donné de juger et de se prononcer sur quoi que ce soit. Aussi tout ce qui appartient au monde extérieur et à l'homme animal, les corps, les sens corporels, le sens intérieur lui-même, est soumis à ses jugements et relève d'elle. Quand nous prononçons que l'une de ces choses vaut mieux que l'autre, et que la raison l'emporte sur tout le reste, c'est la raison elle-même qui nous le dit. Elle est la partie maîtresse et dirigeante de notre nature, la tête, l'œil de l'âme. Du libre arbitre, livre 2 chapitre 3, 5 et 6. Il est encore plus difficile de distinguer la raison du raisonnement que du sens intérieur, car, si celui-ci est le degré le plus haut de la vie sensitive, celui-là est déjà un degré de la vie rationnelle. La raison est aussi essentielle à l'âme que la santé au corps, c'est pourquoi on définit l'âme une substance douée de raison. La raison est, en effet, l'essence même de l'homme adulte, à l'état régulier et normal. Le raisonnement est une modification purement accidentelle de l'âme, à peu près comme se promener, s'asseoir sont des modifications accidentelles du corps. J'ai toujours ma raison, mais je ne raisonne pas toujours, car je ne vais pas toujours d'une chose accordée et manifeste à une autre qui est contestée ou obscure, or c'est précisément en cela que le raisonnement consiste. La raison est, suivant Augustin, la vue de l'âme, et le raisonnement est son regard se promenant parmi les choses à la recherche de son objet. En langage moderne, cela veut dire que la raison a un caractère intuitif, et le raisonnement un caractère discursif. De la grandeur de l'âme, chapitre 27, de l'immortalité de l'âme chapitre 1er, de l'ordre livre 2 chapitre 11. Il faut, selon saint Augustin, se défier des sens extérieurs comme des ennemis naturels de la raison, et bien se persuader que tout ce qu'on donne à la vie sensitive est retranché à la vie rationnelle. Je n'ai qu'une loi à le prescrire, fait-il dire à la raison. Je n'en connais pas d'autre, nous devons fuir sans réserve tous les objets sensibles, et nous en garder avec le plus grand soin pendant que nous animons ce corps, de peur d'y engluer les ailes de notre âme, car il faut qu'elles soient libres et en bon état, si nous voulons nous envoler du sein de nos ténèbres vers la lumière. Cette lumière ne daigne pas se montrer à nous dans la caverne qui nous sert de prison, si nous ne savons pas briser nos liens, et nous élever, comme dans notre domaine, dans les libres régions de l'air. C'est pourquoi, quand tu seras capable de n'aimer absolument rien de terrestre, dans ce même moment, dans cet instant précis tu verras l'objet que tu désires. Soliloque, livre 1er chapitre 14. À ce dédain pour les choses corporelles, à ce mépris pour les connaissances qui s'y rapportent, on reconnaît, je ne dis pas le disciple du Christ, mais celui de Platon et surtout celui des Alexandrins. Le christianisme ne maudit pas la chair, car il enseigne que le Verbe s'est fait chair, et que nos corps ressusciteront au dernier jour. Le platonisme, au contraire, regarde le corps comme un lien qu'il faut briser, comme une prison dont il faut sortir, et si la vie du sage lui paraît une excellente préparation à la mort, c'est que le sage s'efforce constamment de s'isoler et de s'abstraire, des sept vies, des choses corporelles. Saint Augustin et les nobles penseurs dont il a suivi les traces eussent bien fait, s'il m'est permis de le dire, de moins dédaigner le monde, et de mieux chercher à le connaître. Ils soutenaient eux-mêmes que l'âme et l'intelligence ne sont pas tout entières dans l'homme, mais que l'univers est un vaste ensemble qu'un esprit agite et qu'une intelligence règle. Comment donc ont-ils pu proscrire l'étude de ce tout vivant et bien ordonné, où la force et la raison se manifestent en caractère si éclatant, et révèlent, à qui sait le voir, leur principe éternel? Il n'en est pas du sens intérieur et du raisonnement comme des sens extérieurs. Ils ont avec la raison une plus grande affinité, et nous prépare utilement à recevoir sa lumière. C'est assez dire que saint Augustin est plus favorable à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie et les mathématiques, qu'aux sciences physiques et naturelles. Leur importance comme introduction à la théodicée est, en effet, incontestable, et je ne crois pas que personne ose la révoquer en doute. Nous replier sur nous-mêmes pour considérer les images qui peuplent notre esprit et le mettent en relation avec les corps, bien qu'elles soient elles-mêmes incorporelles et en quelque sorte vides de matière, nous sentir dans cet acte pur de notre intelligence, comme une force qui peut fonctionner indépendamment des organes, et qui n'a pas besoin de leur concours, opérer, par le raisonnement. Sur les notions de figure et de nombre qui n'ont rien à démêler avec les corps, et que les sens extérieurs ne sauraient nous fournir, en dégager des vérités qui ne sont pas vraies seulement ici ou là, aujourd'hui ou demain, mais qui le sont dans tous les temps et dans tous les lieux, c'est là la meilleure initiation à laquelle nous puissions avoir recours. Si nous voulons entrer en communication avec les réalités éternelles et invisibles. Voilà sans doute pourquoi le retour de l'âme sur elle-même et la marche dialectique ont paru à saint Augustin, comme à Platon, les meilleurs moyens d'épurer notre raison, et de l'élever jusqu'à la connaissance de Dieu. N'est-ce pas l'exercice du raisonnement comme apprentissage de celui de la raison? N'est-ce pas l'étude des figures et des nombres comme préparation à celle des idées elles-mêmes, que saint Augustin recommande dans le passage suivant, où il emprunte à Platon, non seulement sa pensée, mais encore son langage. Que la lumière vulgaire, dit-il, nous apprenne, autant que possible, La nature de cette lumière supérieure, il est des yeux si sains et si fermes qu'à peine ouverts il se tourne, sans baisser la paupière, vers le soleil lui-même. Mais d'autres sont blessés par cette même lumière qu'ils désirent vivement apercevoir, et souvent retournent avec plaisir, sans l'avoir vue, dans leurs ténèbres. Il y a du danger pour eux, bien qu'on puisse dire qu'ils jouissent de la santé, à vouloir leur montrer ce qu'ils ne peuvent voir encore. Il faut donc auparavant les exercer, nourrir leur amour et différer, dans leur intérêt, de le satisfaire, car on doit commencer par leur montrer certains objets qui ne sont pas lumineux par eux-mêmes, mais que la lumière rend visible, comme un vêtement, un mur et d'autres choses de ce genre. On leur montrera ensuite ceux qui, sans briller par eux-mêmes, reçoivent de la lumière un éclat plus vif, comme l'or, l'argent et les autres choses semblables, dont les rayons pourtant ne blessent pas la vue. Alors peut-être on pourra leur faire voir avec précaution le feu terrestre, puis les étoiles, puis la lune, puis l'éclat de l'aurore quand elle commence à blanchir le ciel de ses clartés. Soliloque, livre 1er chapitre 13. Note. Rapprochez de ce morceau et du précédent les passages bien connus du Phèdre et de la République, Platon, tome 6 page 48, livre 10 page 64, de la traduction de Monsieur Cousin. Fin de la note. Non content d'avoir distingué la raison des autres facultés de l'âme, et d'en avoir déterminé les conditions d'exercice et de développement, saint Augustin se demande quels en sont les caractères et la nature. Qu'est-ce que cette vérité qui récrée les yeux saints par sa pureté et son éclat? Qu'est-ce que cette sagesse que les yeux malades ne peuvent contempler sans une sorte d'éblouissement? Chaque homme a-t-il une sagesse qui lui soit particulière, ou bien n'y a-t-il qu'une seule sagesse commune à tous les hommes, et sont-ils plus ou moins sages suivant qu'ils participent plus ou moins à sa lumière? Il semble d'abord que la première opinion soit seule soutenable, car les hommes s'entendent fort peu sur les actions et les paroles auxquelles il convient d'appliquer la qualification de sage. Le soldat met la sagesse à faire la guerre, le laboureur, à cultiver, loin du bruit des armes, son petit champ, l'homme d'argent, à faire des spéculations lucratives, l'homme d'études, à poursuivre la vérité avec une ardeur inquiète et à dédaigner les biens que convoite le vulgaire, l'homme d'État, à négliger la contemplation pour la vie active et à faire triompher la justice dans les sociétés humaines. S'il n'y avait qu'une seule sagesse commune à tous les hommes, comment leur ferait-elle voir les choses sous des aspects si différents et porter des jugements si opposés? L'objection, comme on voit, ne manque ni de gravité, ni de force. Saint Augustin y répond de la manière la plus ingénieuse et de façon à prouver une fois de plus la merveilleuse souplesse de son esprit. Il s'explique cette divergence dans nos opinions par la diversité des esprits que la sagesse éclaire et des objets qu'elle leur montre. De ce que la lumière du soleil découvre à nos regards les spectacles les plus variés, des plaines, des vallées, de vastes forêts, la mer avec sa surface mobile, et que l'un prend plaisir à contempler une de ces grandes scènes, l'autre, une autre, il ne s'ensuit pas qu'il y ait plusieurs lumières, il n'y en a qu'une seule qui inonde de ses clartés ce panorama aux faces multiples et changeantes. Il en est de même dans l'ordre moral. Malgré la variété des biens que la sagesse nous découvre, malgré la diversité des sentiments que ces biens nous inspirent, Il peut se faire que ce soit la même sagesse qui brille pour tous les hommes. Augustin va plus loin, suivant lui, non seulement cela peut être, mais cela est réellement. Quand j'affirme que tous les hommes veulent être sages et heureux, qu'il faut pratiquer la justice et rendre à chacun le sien, que ce qui n'est point corrompu vaut mieux que ce qu'il est, que l'Éternel est supérieur aux passagers, en est-il de ces vérités générales comme des idées particulières que j'ai dans l'esprit, et que vous ne pouvez connaître qu'à la condition que je vous les révèle? Non, vous les voyez, ces vérités, vous pouvez les savoir sans que je vous les dise. Or ce que nous voyons chacun avec notre raison, nous est commun à l'un et à l'autre, et ce que chacun des hommes voit avec sa raison propre leur est commun à tous. C'est précisément le cas des vérités citées plus haut, et de la sagesse à laquelle elles se rapportent et qui les contient. Il y a donc une vérité immuable, une sagesse éclatante, qui éclaire toutes les raisons, comme la lumière éclaire tous les yeux, comme le son frappe toutes les oreilles. Ce que voient les yeux de deux personnes ne peut être les yeux ni de l'une, ni de l'autre, mais une troisième chose sur laquelle leur regard se fixe également. La vérité qui éclaire toutes les intelligences ne peut être non plus aucune de ces intelligences, elle est une lumière dont toutes, les unes plus, les autres moins, sont constamment éclairées. Après avoir établi avec une grande élévation de pensée et une grande richesse de langage, l'universalité des vérités rationnelles, comme nous dirions aujourd'hui, Augustin se pose une autre question qui n'est rien moins, sous des formes antiques, que celle de savoir si la vérité est éternelle et immuable, absolue et divine. La vérité, se demande-t-il, est-elle inférieure à notre esprit? Lui est-elle égale? Lui est-elle supérieure? Si elle lui était inférieure, nous ne jugerions pas d'après elle, nous jugerions d'elle, comme nous jugeons des corps, et souvent des âmes elles-mêmes. Nous jugeons, en effet, non seulement de ce que ces substances sont, mais de ce qu'elles doivent être. Nous prononçons que tel corps est moins rond ou moins carré qu'il ne faut, telle âme moins douce ou moins forte qu'il ne convient. Au contraire, nous ne jugeons point de ces vérités, que les choses éternelles sont préférables aux temporelles, que cet étroit fondisse, nous nous bornons à les apercevoir, et c'est à leur lumière que nous jugeons d'une foule d'autres choses. La vérité est-elle égale à notre esprit? Mais nos esprits voyant tantôt plus, tantôt moins, la vérité serait changeante, ce qui est contraire à sa nature, car elle peut bien être aperçue plus ou moins, mais elle reste toujours la même, réjouissant les yeux qui la voient, frappant d'aveuglement ceux qui se détachent d'elle. Il reste donc que la vérité soit au-dessus de l'âme humaine et la surpasse. Du libre arbitre, livre 2 chapitre 9, 10 et 12. Doutons que la vérité soit absolue et immuable? On a, pour s'en convaincre, qu'à examiner les propositions suivantes. S'il y a quatre éléments, il n'y en a pas cinq. S'il y a un seul soleil, il n'y en a pas deux. Une âme ne peut à la fois mourir et être immortelle. Où nous veillons ou nous dormons? Dans les premières, qui sont des propositions conditionnelles, en posant l'antécédent on pose le conséquent. Dans les dernières, qui sont des propositions disjonctives, en affirmant le premier membre on nie le second, et, dans ce cas comme dans l'autre, le jugement qu'on porte est vrai, absolu, nécessaire. Il en est de même de toutes les propositions dont s'occupe la dialectique. Ce sont des vérités supérieures au sens et indépendantes du monde réel, que nulle objection ne saurait ni atteindre ni infirmer. Contre les académiciens, livre 3 chapitre 13. Le sensible est passager, fluide, éphémère, et ne peut être saisi d'une manière ferme et inébranlable, à cause de la mobilité qui le caractérise. Le rationnel, au contraire, est su d'une science fixe et certaine, parce qu'il est invariable et éternel. Si le monde périssait, il serait vrai qu'il a péri, s'il était vrai qu'il a péri, il y aurait encore quelque chose de vrai, s'il y avait encore quelque chose de vrai, il y aurait encore de la vérité. Donc la vérité est indépendante du monde, puisque, sur les débris du monde, elle subsisterait encore. De 83 questions numéro 9, soliloque, livre 2 chapitre 2. Une preuve que la vérité a quelque chose d'absolu, c'est qu'elle s'impose à ceux-là même qui la nient, et qu'il ne saurait contester son existence sans l'admettre implicitement. Dire qu'on ne possède pas la vérité, que nul ne peut la posséder, c'est dire que l'on connaît la vérité, que l'on connaît les facultés de l'homme et que l'on voit clairement la disproportion qu'il y a entre les facultés de l'homme et la vérité. C'est dire, en un mot, que l'on connaît ce dont on regarde la connaissance comme impossible. Contre les académiciens, livre 3 chapitre 14, du libre arbitre livre 2 chapitre 15, de la Trinité livre 10 chapitre 1er. On trouvera peut-être que tous ces raisonnements d'Augustin sur la raison et sur la vérité, qui en est l'objet naturel, n'ont pas une égale valeur. Mais on conviendra qu'il y a quelque chose d'ingénieux et de solide tout ensemble dans la démonstration par laquelle il tâche d'établir que la négation de la vérité suppose la connaissance de la vérité même. Le Novit Incipiens Sapientiam, que je lis dans le traité du libre arbitre, l'insensé connaît la sagesse, est le pendant du Cyphalore, somme. Si je me trompe, je suis de la cité de Dieu. Ce sont les deux fondements sur lesquels est édifié, aux yeux d'Augustin, tout le système de nos connaissances. Mais cette vérité que notre raison saisit, où la saisit-elle? Réside-t-elle dans notre âme comme une réminiscence lointaine d'une vie antérieure, comme une connaissance sourde que la rencontre des objets réveille, mais ne produit pas? Avons-nous vu, dans la région des essences immuables, de splendides réalités dont nous n'entrevoyons ici-bas que les ombres fugitives, hôtes de la caverne? Reconnaissons-nous à leur pâle simulacre des objets que nous avons contemplés jadis inondés de tous les feux du jour? Augustin avait commencé par admettre cette poétique hypothèse par laquelle le génie de Platon avait cherché à se rendre compte de la connaissance rationnelle, et il l'appelait avec respect la magnifique découverte de Socrate. Lettre 7. Plus tard, dans son traité de la Trinité livre 12 chapitre 15 et dans ses rétractations livre 1er chapitre 4-8, il rejeta cette théorie qui lui paraissait aussi difficile à concilier avec le bon sens qu'avec le dogme chrétien. « Si je réponds pertinemment, disait-il, aux questions que l'on m'adresse soit sur les mathématiques, soit sur d'autres sciences, il ne s'ensuit pas que j'ai connu la solution de ces questions dans une vie antérieure. » Ce phénomène peut s'expliquer tout aussi bien et plus raisonnablement par une mystérieuse participation à la vérité éternelle, par une illumination actuelle du Verbe divin constamment présent dans nos âmes. Car, de même que le soleil est, qu'il est visible et qu'il rend visible tous les corps, Dieu est, Il est intelligible et il rend intelligible tout le reste. Soliloque livre 1er chapitre 8, du libre arbitre livre 2 chapitre 14. Si Augustin rejette cette partie de la théorie des idées qu'on appelle la réminiscence, il est loin, nous le voyons, de rejeter cette théorie en elle-même. Il cherche, au contraire, à la fondre avec la doctrine chrétienne, et la donne, comme Platon, pour l'explication de toute connaissance en même temps que de toute existence. Les idées, dit-il, sont, pour ainsi dire, les formes primordiales, les raisons stables et immuables des choses. Elles n'ont point été formées, et subsistent par conséquent éternelles et toujours les mêmes, dans l'intelligence divine qui les contient. Étrangères à la naissance et à la mort, elles sont néanmoins les types d'après lesquels se forme tout ce qui peut naître et mourir, et tout ce qui naît et meurt réellement. De 83 questions numéro 46. C'est bien là la doctrine platonicienne, à une seule différence près, c'est que saint Augustin rattache nettement et sans hésitation à la substance divine ce monde des idées que Platon laissait flotter d'une manière un peu indécise entre l'unité absolue et les êtres particuliers. Cette heureuse correction que le philosophe de Tagaste fait subir à la théorie de son maître, en croyant se borner à l'exposer et à la reproduire, est fortement motivée dans le passage suivant. Qui oserait dire que Dieu a fait les choses d'une manière irraisonnable? Que si on aurait tort de le croire ou de le dire, il reste que chaque chose ait eu sa raison. Et la raison de l'homme n'est pas la même que celle du cheval, il serait absurde de le penser. Donc chaque créature a sa raison propre. Mais ces raisons, où faut-il penser qu'elles existent, sinon dans l'intelligence même du Créateur, car ce n'était pas sur un modèle placé au dehors de lui qu'il fixait ses regards en créant ce qu'il créait, le penser serait un sacrilège. Idem de 83 questions numéro 46. Ici encore, Augustin perfectionne, en l'exposant, la doctrine de Platon. Ce dernier admet que la plupart des choses du monde sensible ont leur type dans le monde intelligible, mais parmi les objets de cette terre il en est de si vils et de si bas, que, suivant lui, il est difficile de croire qu'ils aient là-haut leurs exemplaires éternels. Saint Augustin montre plus de décision et de logique et assigne à chaque créature, quelle qu'elle soit, son idée propre. Mais, ajoute-t-il, parmi les choses que Dieu a créées, il en est une qui surpasse toutes les autres, c'est l'âme raisonnable. Elle est près de Dieu quand elle est pure, et plus elle s'attache à lui par l'amour, plus elle est éclairée et inondée par lui de cette lumière intelligible, non pas par les yeux du corps, mais par cette partie principale d'elle-même qui constitue son excellence, je veux dire par son intelligence, et mieux elle voit ses raisons dont la vue la comble de félicité. Idem de 83 questions numéro 46. S'exprimer ainsi, c'est reconnaître que l'âme est, sur cette terre, unie à Dieu, et qu'elle puise directement la vérité dans la contemplation de cette vérité suprême, c'est admettre son union actuelle avec l'intelligible, et rendre inutile l'hypothèse de son union avec lui dans une vie antérieure, ainsi que celle de la réminiscence. Ainsi, union immédiate de l'âme avec l'intelligible, négation de la réminiscence, participation de toutes les créatures aux idées, identification du monde intelligible et de la pensée divine. Voilà trois points d'une importance considérable sur lesquels saint Augustin se sépare de Platon et modifie heureusement sa doctrine. Il y a donc une sagesse, Et c'est la sagesse de Dieu, qui contient en elle toute la richesse de la vie intelligible, toutes les idées invisibles et immuables dont les choses visibles et changeantes offrent à nos yeux la merveilleuse réalisation. Pourquoi? Parce que Dieu fait tout, et qu'il ne peut rien faire sans en avoir l'idée, autrement il serait au-dessous de l'artisan le plus vulgaire. Pour que nous connaissions le monde, il faut qu'il soit, mais pour qu'il soit, il faut que Dieu le connaisse. Non seulement toutes les idées de toutes les choses de ce monde sont en Dieu, mais elles y sont éternelles et immuables, parce que tout ce qui est en Dieu participe à l'éternité et à l'immutabilité divine. Cité de Dieu Livre 11 chapitre 10, de 83 questions numéro 46. Parmi les intelligences créées, les plus hautes, telles que les intelligences angéliques, connaissent les choses, non seulement en elles-mêmes, mais encore dans leur modèle. Au lieu de s'arrêter au corps qui frappe leur regard, elles remontent jusqu'aux idées qui résident dans le Verbe divin et dont ces corps sont d'imparfaites imitations. Il y a bien de la différence entre connaître par les yeux une figure tracée sur le sable, et connaître son idée par une vision purement rationnelle. La première de ces deux connaissances ressemble à la lumière douteuse du soir, la seconde, à la pleine lumière du jour. Quiconque veut parvenir à la connaissance véritable doit donc laisser les ouvrages de l'art qui remplissent le monde, pour s'élever jusqu'à l'art qui les a produits, il doit se détourner des corps pour se tourner vers Dieu qui en est le principe, car on ne connaît parfaitement les objets que tant qu'on les connaît dans leur cause. Cité de Dieu Livre 11 chapitre 29. Si nous voulons nous instruire, il ne faut pas écouter les hommes qui se disent nos maîtres, et qui nous parlent extérieurement, mais le Verbe divin qui réside au plus profond de notre âme, et qui juge souverainement de tout ce que les hommes peuvent nous dire. Ceux-ci nous révèlent seulement les pensées qui sont dans leur esprit, mais, pour savoir si elles sont vraies ou fausses, nous sommes obligés de consulter ce maître intérieur que nous portons toujours en nous-mêmes et dont les réponses ne sont jamais trompeuses. Si parfois nous nous égarons, ce n'est pas la faute de cette lumière indéfectible qui luit constamment à nos regards, mais celle de nos yeux qui se ferment à ces clartés divines, ou qui ne peuvent les contempler sans une sorte d'éblouissement. Du Maître, chapitre 11, 14. Ainsi, suivant saint Augustin, la raison éternelle est constamment présente dans nos esprits, et les éclaire par son rayonnement dans les pensées qu'ils conçoivent et dans les jugements qu'ils portent, c'est la lumière illuminante, ils ne sont que des lumières illuminées. L'illustre père va plus loin, il prétend que toutes les fois que nous pensons bien, c'est l'être divin qui pense en nous, et que par le fond de notre être nous ne sommes que ténèbres. Ceux qui voient par ton esprit, dit-il, c'est toi qui vois en eux. Ainsi, tout ce que l'Esprit de Dieu leur fait voir comme bon, ce n'est pas eux, c'est Dieu qui le voit comme tel. Confession livre 13 chapitre 31. On serait tenté de croire, en lisant ces lignes, que saint Augustin absorbe la raison humaine dans la raison divine, et qu'il se laisse séduire aux doctrines décevantes du panthéisme. Mais pour qui connaît l'ensemble de sa philosophie, ce sont là des expressions qui excèdent sa pensée, et qui lui sont arrachés par sa piété ardente et par son vif désir de rehausser Dieu aux dépens de l'homme. Dans maint autre endroit, il distingue avec le soin le plus sévère la raison humaine de la raison divine, et attribue à la première des caractères qui ne sauraient convenir à la seconde. Considère-t-il la raison humaine comme immuable, universelle et infaillible? Nullement. Ce sont là des attributs qu'il reconnaît à la vérité, c'est-à-dire à l'objet de la raison, mais non à la raison elle-même, ce sont des caractères qu'il accorde au Verbe divin, mais qu'il dénie à l'intelligence de l'homme. Immuable, elle ne peut pas l'être. Tantôt elle se porte vers le vrai, tantôt elle ne s'y porte pas, tantôt elle l'atteint, tantôt elle ne l'atteint pas, et se trouve par là même convaincue de mutabilité. Du libre arbitre au livre de chapitre 6. Universelle, elle ne l'est pas davantage. Chacun voit la vérité avec sa raison à lui, non avec celle d'un autre, et sa raison fait partie intégrante de lui-même. Du libre arbitre au livre de chapitre 10. L'intelligence n'est pas autre chose que l'âme, mais elle est quelque chose de l'âme, c'est ainsi que l'œil n'est pas autre chose que le corps, mais quelque chose du corps. Bien que l'œil soit quelque chose du corps, il est seul cependant à jouir de la lumière, les autres organes corporels peuvent la recevoir et ne peuvent pas en jouir, tandis que l'œil la reçoit et en jouit tout ensemble. De même, il y a dans notre âme quelque chose qu'on nomme intelligence. Cette partie de l'âme, qu'on appelle intelligence et raison, est éclairée par une lumière supérieure. Cette lumière supérieure qui éclaire l'intelligence humaine, c'est Dieu. Traité sur Saint Jean, Évangile, livre 15 chapitre 14. La raison n'étant ni immuable, ni universelle, Saint Augustin devait en conclure qu'elle n'est pas infaillible. Pourquoi, en effet, serait-elle plus infaillible que la volonté n'est impeccable? Si la vérité, qui est l'objet de l'une, et la justice, qui est l'objet de l'autre, sont absolues, ces deux facultés ne le sont pas pour cela. La vérité, dit Augustin, a beau n'être susceptible ni de diminution, ni d'accroissement, la raison la saisit tantôt plus, tantôt moins, tantôt bien, tantôt mal, et participe, par conséquent, à l'instabilité et à l'imperfection des autres éléments de notre nature. Du libre arbitre, livre de chapitre 12. Si ces distinctions ne paraissent pas suffisantes, et si l'on doute encore de la différence profonde que saint Augustin établit entre la raison humaine et la raison divine, on n'a qu'à lire les hautes considérations qu'il développe à ce sujet dans son traité de la Trinité et dans sa Cité de Dieu, et où l'on reconnaîtra à la fois l'inspiration de Platon et celle d'Aristote. Le Verbe humain, dit-il, diffère du Verbe divin en ce qu'il n'est pas, comme lui, permanent et sans intermittence. Mon âme vit toujours et elle sait toujours qu'elle vit, mais elle ne pense pas toujours à sa vie et à la science qu'elle en a, car elle cesse d'y penser du moment qu'elle pense à autre chose. Ainsi, lors même que sa science serait éternelle, sa pensée ne le serait pas. Or c'est cette pensée, par laquelle elle s'entretient avec elle-même et connaît son être et son savoir, qui est, à proprement parler, son verbe. On dira peut-être que son verbe n'est pas la pensée en acte, mais la faculté de penser, et que cette faculté est permanente comme la science elle-même. Mais comment appeler verbe une faculté nue ? Une simple possibilité, une virtualité inerte et endormie. Autant vaudrait appeler parole le simple pouvoir d'articuler des sons. Il n'y a véritablement verbe que du moment où la matière encore informe et flottante de la pensée reçoit sa forme et sa détermination, et où la puissance passe à l'acte. En admettant même que le verbe humain soit, non pas simplement la pensée actuelle, mais encore la pensée possible, qui ne voit quelle différence il y a entre le verbe ainsi considéré et ce verbe divin qui n'est jamais simple matière et pure possibilité, mais qui est toujours acte pur et forme simple, égal et coéternel à Dieu lui-même. De la Trinité, livre 15, chapitre 15. Quel rapport y a-t-il entre une raison qui saisit les choses d'une manière partielle, fragmentaire, successive, et une raison qui les embrasse toutes à la fois dans un présent immobile? Quelle ressemblance peut-on apercevoir entre la sagesse humaine qui se distingue de l'être humain, comme la qualité de la substance, et la sagesse divine qui se confond avec l'être divin, au point d'en être indiscernable? Dieu ne possède ni la sagesse, ni aucun autre attribut, mais il est la sagesse et chacun de ses attributs, et ses attributs divers et multiples se fondent, pour ainsi dire, dans l'unité et la simplicité de son être ineffable. De la Trinité, livre 15, chapitre 15. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 10. Il est impossible, en présence des textes que nous venons de citer, de prétendre, comme on l'a fait quelquefois, que saint Augustin identifie la raison divine et la raison humaine. Il maintient entre elles la même distinction qu'entre le Créateur et la créature, et ne la garde de confondre les attributs, quand il ne confond pas les substances. Il nous semble qu'il est, en cela, parfaitement conséquent, et qu'une telle confusion n'a de sens que dans le panthéisme. Markham Dan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.